J'ai fait comme tous les autres, j'ai cru en toi, j'ai eu peur de te perdre, peur de me dire qu'on ne pourra plus se croiser. Parfois l'amour fait les siennes, mais l'amour c'est quoi? Quelque chose d'inatteignable comme les étoiles. On rêve de trouver son âme sœur, de combler le manque avec des personnes qui manquent, qui sont juste là pour pouvoir plomber le temps. Quelques euros pour deux, trois potes, histoire de grailler un truc. On m'a jeté du ciel sans arme à feu, ni même sans parachute. Et je me retrouve là à me demander ce que je suis, à me demander ce que je dois encore faire, à me demander ce que je fuis. J'ai l'impression de ne pas être là, mais de voir les mêmes choses que vous. On me demande est-ce que t'es fou, je ne sais pas, peut-être que c'est vous. Parce que dans le fond on se ressemble d'après ce que la science nous fait croire. Qui sommes-nous? Peut-être que moi c'est toi, j'ai rêvé d'un amour passionnel. Mais c'est occasionnel, les gens vieillissent mais veulent retrouver la jeunesse. La mi-temps n'est pas si proche et à cette allure y'a les prolongues. Et le temps est trop long, j'ai l'impression de reculer, peut-être pour mieux prendre de l'élan. Parfois je me perds dans mes lacunes, dans l'indifférence. Une vie je crois que t'en as qu'une, je suis ravi. Ils rêvent de faire de la thune, d'être différent des autres. Mais c'est toujours les mêmes, on rêve de monnaie, d'amour, d'une belle vie, d'une vue sur la mer. Pouvoir s'envoler d'un coup, du lilas, des dunes sur ma terre. On a tous un point commun, c'est qu'on perd tous quelqu'un. Tôt ou tard, toutes ces routes qu'on nous barre, je ne suis pas méfiant. J'ai juste une bonne mémoire, l'humain est trop indécent. Et j'en suis le seul témoin. Je vais peut-être mourir avant de te dire au revoir, avant de te dire je t'aime, avant de t'applaudir, te dire à vendredi. Tu fais de l'argent mais à quel prix? Tu cherches ta santé, le train qui passe. Je suis perdu, c'est toi qui parles. Si je ne m'aime plus, c'est moi qui pars. On s'est regardé, on s'est promis toutes ces conneries qu'on n'a pas tenues. C'est ce que je suis devenu. Qui ne t'a pas plu? On s'entend pas, on se comprend pas, on se regarde pas. C'est donc bien ça la vie, remplacée par un vide. Je suis dans un film ou peut-être le paradis. En vrai j'en sais trop rien, je fais plus confiance à qui que ce soit. J'ai vu des hommes aimant la journée mais qui deviennent sadiques le soir. Des femmes mariées sur le papier mais dans la vraie vie c'est autre chose. Des rendez-vous au show, ils parlent de drogue, pas de pédophile. Ils parlent de banlieue, pas de ce qu'on fait aux filles. Mais je sais que tous les mensonges dans les médias ça plaît aussi. On en est là parce qu'on le souhaite, ne cherche pas d'excuses. Parfois je me perds dans mes lacunes, dans l'indifférence. Une vie je crois que t'en as qu'une, je suis ravi. Ils rêvent de faire de la thune, d'être différent des autres. Mais c'est toujours les mêmes, on rêve de monnaie, d'amour, d'une belle vie, d'une vue sur la mer. Pouvoir s'envoler d'un coup, du lilas, des dunes sur ma terre.